rêve, docteur. Quoi de neuf, la grande Garenne? Caradoc à la Grande Garenne sur le 101.1. Un lapin pour le dîner! De midi à 14h! Coucou Radio Adoc, nous sommes à l'antenne et je crois qu'on inaugure Radio Adoc d'une certaine manière. Bonjour! Comment ça va, Nausicaa? Ça va. Il pleut. Il pleut. Oui, c'est un peu humide dans la caravane. On a eu une petite fuite d'eau, petite surprise de ce matin. Mais ça va très bien. Le petit speed du moment. C'est ça. Alors du coup, on appelle Ambroise parce que je crois qu'on a un petit problème de FM. Salut Ambroise, on est en direct, mais la FM ne fonctionne pas. Si, on nous entend un peu sur la FM, mais il y a un gros grésillement. En tout cas, à la Grande Garenne, je ne sais pas comment ça se passe à Angoulême. C'est juste, je me demande comment ça se passe sur le plateau un peu plus loin. C'est peut-être lié au fait qu'on soit un peu loin de... du centre-ville. Du centre-ville. Alors Flo, vas-y, raconte-nous où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait ici. Alors nous, ici, on est à la Grande Garenne. On est dans une caravane qu'on trimballe avec nous, enfin, qui nous emmène dans des endroits pour faire de la radio. Depuis l'année dernière, où on était à la Grand Fond, au même moment, pour le festival de la BD, on a vu du pays, on est allé à Poitiers pour le festival Filmer le Travail. Après, on est resté en Charente et on a fait des résidences... à Onac, à Ars, à Ville-Jésus et sur les bords de Charente à Angoulême. Puis on est allé à Orléans en décembre dernier et aujourd'hui on se retrouve à la Grande Garenne. La Caradoc, avec la Caradoc, on installe des plateaux radio dans des lieux et on rencontre les habitants et on invite les habitants à venir sur le plateau, parler de leur quartier ou parler de leur village et, avec nous. Voilà. Et aujourd'hui du coup, Marie, on est à la Grande Garenne. On est à la Grande Garenne, tout à fait. Et on est bien sur la FM, mais en fait, à la Grande Garenne, il paraît qu'on est trop loin. Bah, on nous entend un petit peu à la Grande Garenne, mais ça grésille pas mal. Mais pas beaucoup, ouais. Il aurait fallu une antenne super puissante, mais... Voilà, on est loin, donc on est loin, mais j'imagine que tu l'as dit, on est excentré. Mais sachez que vous pouvez nous écouter sur le web, ouais. Pour les gens de la Grande Garenne, qui voudraient mieux nous écouter. Et sur, vous écouter, du coup, parce sur Radio que vous King, sur Radio King, comment on fait pour nous écouter sur Internet? Alors, il faut se connecter sur, sur Studio King, donc sur Internet, et chercher Radio Adoc. Ok. Voilà, et cliquer sur Play, je crois. Parfait. Que c'est ça. Voilà, j'ai pas l'adresse exacte, mais Google est votre ami. Voilà. Tout à fait. Et alors? Je sais pas trop ce que t'as raconté, alors j'étais au téléphone avec Ambroise, du coup j'ai absolument pas suivi, je suis très mal polie. Excuse-moi, j'ai raconté qu'on s'est baladé avec notre caravane, qu'on a transformée en studio, partout ah oui. Où on est allé, et qu'on a fait des émissions avec les habitants qu'on a rencontrés sur place. Et j'ai dit qu'on avait commencé à la Grand Fond. Oui, il y a un an. Il y a un an, et depuis on a pas mal bourlingué avec la caravane, et on revient sur les mêmes bases. De 4 émissions en 4 jours, mais avec un petit peu d'immersion avant. On est là depuis 3 jours déjà. Et c'était notre première nuit, cette nuit, ici, à la Mosaïque. Et alors, il y avait des fantômes. Je suis pas restée, moi, je suis partie à 1h du matin. Donc, je sais pas si le fantôme de la Mosaïque hante la Mosaïque. J'ai entendu des hurlements, mais je sais pas si c'était pas Julia, je suis pas sûre. Ah. Ouais, ça devait être ça, effectivement. Oui, c'était ça. Bon, bah, c'était Julia. Pas de manifestation de fantômes pour l'instant. Et alors, du coup, nous, on avait prévu d'interviewer Jean-Pierre, le président de la MJC, ainsi que Laurence, qui est la responsable culture. Donc, c'est surtout avec Laurence qu'on a eu affaire, parce que c'est elle qui a accueilli le projet et qui a travaillé avec nous là-dessus. Mais je pense qu'on les aura un petit peu plus tard, parce que, évidemment, à la MJC, on est jeudi, donc ça bosse. Mais on a été rejoint par Monsieur Pinson, je crois. Vous avez de la mémoire. Eh oui, j'ai de la mémoire. Oui, c'est ça, exactement. Donc un monsieur que j'ai rencontré au club senior. Exactement. Le vieux de service. Oui, alors oui. Non mais ça, on l'a dans le PAD, mais bon, gâchons la surprise. Quel âge vous avez? 92 ans. Ça vient vite, hein. Faut pas... Hein. Ça vient vite. Ça vient très vite. Mais en tout cas, merci de nous avoir rejoints. On a été rejoints aussi par Myriam, qui est la responsable famille de la MJC. C'est ça? Oui, référente famille. Référente famille. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la MJC et de votre travail ? Alors, oui, je vais essayer de vous parler de la MJC. Donc, la MJC est là depuis très longtemps. Avant, on a changé de lieu il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans. Sinon, on est implanté dans le quartier depuis un bon nombre d'années. On travaille avec différents publics, aussi bien les enfants que les ados, que les jeunes adultes et que les familles. On a différents services. On a un service plus social avec le CADA, donc le Centre d'accueil des demandeurs d'asile, un CHRS, Centre d'hébergement de réinsertion sociale, et un CSH qui se trouve à un hébergement d'urgence, en fait, qui se trouve sur Cognac. Et donc ça, c'est la partie sociale. Et après, à la MJC, on a tout ce qui est plus socioculturel, voilà, donc avec différents secteurs. Que vous dire de plus ? On a un espace public numérique aussi, et une ludothèque qui ne se trouve pas dans les lieux de la MJC, mais qui se trouve un peu plus loin, rue Chardonne, à l'ancienne école Chardonne. Voilà, donc avec plein d'animateurs, des bâtiments aussi un peu éparpillés dans la Grande Garenne, puisque les accueils de loisirs ne se font pas ici, se font à la Villa Mont-Désir et aussi à la maison à Basso, donc à l'école Uderzo et l'école Saint-Exupéry. Donc un travail en lien aussi avec la MDH et les Francas, l'association des Francas. La Villa Mont-Désir, c'est pas là où tu es allée, Flo ? Si, j'y suis allée, mais je suis allée aussi à Marie Curie. Vous êtes en lien avec Marie Curie ? En fait, le soir, on a toutes les écoles, en fait, primaires et maternelles, des accueils de loisirs du soir qui sont ouverts juste après la sortie des écoles, en fait, jusqu'à 18h30, et dont les parents qui travaillent, notamment, ou pas, peuvent mettre leurs enfants sur ces temps-là. Et ça, donc, c'est sur les écoles. Donc chaque école a un accueil de loisirs avec des animateurs et qui travaillent autour d'un projet pédagogique. Et vous voulez parler du projet pédagogique ou... Alors moi je ne le connais pas, parce que du coup c'est pas moi qui suis sur cette partie-là. Moi c'est plus la partie référent famille auprès des adultes, les vacances famille, le jeu aussi notamment, puisque on travaille avec la ludothèque et on reçoit... on reçoit du public, des groupes notamment, pour que les enfants ou les familles, enfin n'importe quel public, puisqu'il y a les publics aussi seniors qui peuvent venir à la ludothèque pour découvrir le jeu et pour jouer soit en famille, soit entre amis. Et moi je suis allée voir du coup Alice, Alice qui travaille avec des petits. Et je suis allée à l'accueil du soir de Marie Curie et j'ai joué avec eux au Pouic Pouic. Oui. Vous connaissez ? Quoi ça ? Je sais plus exactement. Expliquez-nous ce que c'est que le Pouic Pouic, parce que là je. Ah ben on va comprendre, j'espère dans l'enregistrement, et sinon je vous expliquerai. Caché juste à 20, et on va assis à côté d'elle. Et le dernier, c'est lui qui a gagné. 15, 14, tu dis ça. 13, faites attention aux copains. Oui. On donne pas les cachets des autres. Oui. Quand on les trouvait, viens s'asseoir avec moi. Ça y est ? Oui. Allez, plus que 20. 1, 14, 15, 16, 17, 18, je sais plus où j'en étais. 19. Ah oui, d'accord, j'étais déjà là. Je pensais que j'allais sauter des étapes. 19, 20. Okay. Ça y est, trouvé. Du coup, derrière l'armoire. Océane derrière la table de ping-pong. Ayoub dans les escaliers. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la table de ping-pong? Parce que c'est la meilleure cassette. Ouais. Et avant, vous avant, moi j'ai toujours la table de ping-pong. Moi une fois je suis allée là-bas. Moi une fois je suis partie de... Quelqu'un qui a pris la cassette. Et pourquoi t'as pas réussi à te cacher tout à l'heure? Je sais pas, je m'avais pris toutes les cachets. Alors il s'est faufilé. Un, deux, trois, pierre, feuille, ciseaux. Un, deux, trois, pierre, feuille, ciseaux. Oh! Allez, non! Un, deux, trois, pierre, feuille, ciseaux. Et c'est Yves derrière la table de ping-pong. Mais bah non, bah non! J'ai vu des pieds tout à l'heure. Bah non! 17, 18, 19, 20. C'est quoi ta cachette préférée? Moi, c'est celle-là. Et oui, c'était donc le Pouic Pouic, car la thématique d'aujourd'hui, c'est Jeudi Jouons, donc le jeu. Enfin, du coup, le nom de l'émission, c'est Jeudi Jouons. Parce qu'on est très inspiré à la Caradoc, il faut le savoir. Et donc là, on était en immersion dans le Pouic Pouic, qui est un jeu de cache-cache, mais pas classique. Où en fait, là, ils étaient dans un grand gymnase avec juste une table de ping-pong, des escaliers et des portes à ouvrir. Donc, ils trouvaient des cachettes, mais ils pouvaient se cacher derrière un manteau ou derrière une planche. C'était à eux de créer des cachettes. Et il y a des choses très, très inventives qui se créent. C'était marrant. Mais là, on était totalement en immersion dedans. Et donc, Myriam, on est toujours avec toi. Oui. Je peux te le tenir si... Ah oui, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, on aimerait parler de l'importance du jeu dans les familles. Oui. Alors, es-tu une experte de ce sujet? Oui, bien sûr. Non, alors le jeu pour la famille, c'est un outil en fait, le jeu, qui est très important puisqu'il permet de créer des liens différents avec les parents, notamment. Quand ils jouent, il y a des règles à tenir, il y a des on peut jouer avec de la coopération. On n'est pas obligé d'être sur du jeu pour gagner, enfin pour avoir un premier ou un dernier, mais vraiment sur des jeux de coopération. Et du coup, ça permet aux jeunes et aux enfants de comprendre le lien qu'il y a, de jouer sur de la stratégie aussi, et de créer des liens pour pouvoir avancer ensemble dans le jeu. Et le jeu avec la famille, ça permet aux parents de découvrir leur enfant aussi différemment au travers le jeu. On est un peu plus libre, donc on se déroge un peu de notre rôle de parent et on devient plus un allié où on voit la parentalité autrement et le parent voit l'enfant aussi autrement. Donc c'est ça l'importance du jeu et c'est aussi, ça crée vraiment des liens sociaux entre parents et enfants. Donc c'est important de jouer. En plus, on est... pas forcément sur du jeu d'adulte, parce que les adultes ont tendance à ne plus jouer du moment où ils sont adultes. On oublie un peu cette thématique-là et on laisse souvent jouer les enfants tout seuls ou entre eux, et alors que le jeu peut favoriser des liens importants entre parents et enfants. Donc il est important de jouer ensemble, quoi, en fait. Voilà. Il y a des temps que vous proposez pour ça, pour que les enfants jouent avec leurs parents? Oui, tout à fait. On propose des jeux de la ludothèque donc, que l'on a, qu'on amène ici à la MJC de la Grande Garenne, les mercredis après-midi. Alors, on ne fait pas ça tout le temps, mais de temps en temps, où les mamans et même les papas peuvent venir avec leur enfant et jouer avec leur enfant. Donc, il y a des jouets qui vont de la petite enfance jusque des grands jeux de Molki, de Ki, enfin, des choses comme ça. Des grands puissances 4 géants pour que les parents puissent jouer aussi avec leurs enfants. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Les gens sont demandeurs aussi de ce genre de manifestation. Alors là, on en a une le 27 février où ça va être une journée un peu intergénérationnelle parce qu'il y aura la maison des jardins de la Garenne, donc un EHPAD qui va venir aussi jouer avec les familles. Donc voilà, il va y avoir plusieurs interactions, les familles du CHRS notamment, les accueils de loisirs, les familles. Donc tout ce monde va se rencontrer autour de la thématique du jeu. Donc c'est vraiment un outil qui favorise le lien social entre générations aussi. Voilà. Et justement, avec Monsieur Pinson qui est avec nous, qu'est-ce que vous pensez du jeu ? Puisque là, on parlait du jeu pour les enfants dans les familles, et vous qui êtes un petit peu plus âgé et qui jouez toujours au club beaucoup senior. Beaucoup plus âgé, oui. J'oserais pas le dire. Non. Bon, écoutez, je suis surtout venu pour écouter, alors. Je suis pas venu beaucoup pour causer. J'ai une question quand même. Bon, alors. Est-ce que vous vous êtes arrêté de jouer dans votre vie, tout au long de votre vie, est-ce que vous vous êtes arrêté de jouer ou est-ce que vous avez toujours joué ? Non, je n'ai pas forcément joué, mais j'ai toujours pris un peu la vie comme un jeu. La vie, c'est un jeu. Faut vivre gaiement. Le jeu, c'est une distraction, mais enfin, qu'est-ce que c'est que le jeu ? Question ? C'est une question. Ah, les garçons qui viennent de rentrer dans la caravane, là, c'est quoi pour vous le jeu ? À la radio. Le jeu ? C'est quoi le jeu pour toi ? C'est-à-dire ? À quoi tu joues, par exemple ? Bah, on joue aux billes, on joue au... Tu joues encore aux billes ? Ouais. Et vous jouez beaucoup aux 8 américains, non, ici ? Ouais, 8 américains, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai appris. Le jeune homme là-bas. Et Bilouze ! Ouais, Bilouze ! Et c'est quoi le 8 américain ? Bah, le 8 américain, je sais pas, c'est un jeu de cartes. Hein. Big Lose, ouais. Et tu nous l'expliquerais, ce jeu de cartes ? Non, je sais pas vous l'expliquer. Tu sais pas y jouer ? Je sais que le 8, il est balèze. L'As, il est balèze. Je sais pas. Ah, qu'est-ce que tu peux le 7, il est balèze. Moi, je connais pas les 8 américains. C'est quoi comme jeu ? Bah, il y a 8 américains. Après, il y a le 8 marocain. Le 8 marocain, c'est tout ce qui a rapport avec. Je sais pas moi. Quoi ? Ok, bon, bah, nous, on va partir. Attends. Tahia Jazayer ! Ça veut dire en gros. Vive l'Algérie, je crois. Bon, la Caradoc est intergénérationnelle et on va retrouver. On va repasser monsieur... le micro à l'ancien. Tenez l'ancien. Non, merci. On va retrouver monsieur Pinson dans le petit son que j'ai réalisé. Donc, c'était le mardi. Je suis allée au club senior l'après-midi. Bon, alors avant, j'y étais allée le vendredi avec Flo et Nausicaa et on avait rencontré de vrais professionnels. Alors, c'est les seuls. De la belote. Ouais. C'est les seules 4 personnes qui viennent le vendredi. Alors, eux, ça rigole pas, quoi. C'est du professionnel. Et ensuite, il y a le vendredi, le mardi, où c'est un petit peu plus fréquenté, je dirais. Oui, et où il y a un petit peu plus de jeux. Il y a d'autres jeux que la belote, en tout cas. Oui. Le vendredi, les 4 sont des irréductibles. Alors là, d'ailleurs, qui ne veulent pas jouer avec les autres. Ce qui n'est pas trop... Ben, moi, je trouve pas ça très bien, mais enfin... On ne change pas une équipe qui gagne. Hein ? On ne change pas une équipe qui gagne. Dans un club, je trouve à la que... belote, oui, c'est dur. Non, mais il faut que tout le monde joue, quoi. Oui. Alors, eux, ils se jouent ensemble. Enfin, bon. Je suis pas là pour... Ils sont pas là, non. Ça va. Non. Mais en tout cas, on va les entendre d'ici 2 petites secondes. Ouais, je pense que c'est le plus. J'en arrive, je crois, non ? On la commence, on n'a pas fini. Hein. Ouais. Si on commence bien, mais on n'a pas fini. C'est vrai que l'hiver, ça nous occupe quand même un peu. Oui. Il n'y a pas beaucoup de vacances l'été. On arrête combien à 4 jours l'été ? L'été, on n'arrête même pas. On n'arrête même pas ? Non. C'est pour les fêtes de Noël qu'on arrête. L'été, on arrête pour le Noël, c'est tout. Et moi ? Et pendant un temps, avec là, Marie, on allait faire beaucoup de concours. Les concours, c'est plus dur. Oui, il y a quelques jours, on joue à la belote. C'est une sacrée équipe de professionnels en fait. Ah bah ça, je... Pour être de professionnel, le mot, belote, c'est le pas mot facile, est un peu fort. Même quand on va faire les c'est concours, pas facile, là, hein. Il y en a un. Et en Pontouvre, on se trouve à 170, je crois. Ah oui, ah oui en Pontouvre. Il y a des gens qui savent jouer. Ah, puis 130, 150 équipes. Il y a des gens qui ont de la veine que ça rentre. Oh, belote. Vraiment, une fois, on a gagné un jambon. C'était quand même pas mal. Un jambon ? Oui. Et même le mardi, vous jouez tous les 4 ? Ah, tout le temps. Ah ben on se met ensemble, tout le temps, ça c'est sûr. Vous jouez toujours à la belote ? Tout le temps. Ça change pas. Ça change pas. Sauf que là, aujourd'hui, on n'est pas quatre. Ah bah oui, là il y a un peu. Il y a du monde. Il y a encore des qui sont partis. C'est tout. Il a pris à trèfle. À oui. Tout trèfle. Mais oui. Je joue comme je peux. Qui c'est qui vous a appris à jouer à la belote ? Comment vous avez appris ? Au moins, comment on a appris ? Étant jeune. Ouais. On voyait bien longtemps. Oui, vers 12 13 ans, je savais. Tu nous entends quand même, on parle d'il y a 80 ans, il n'y avait rien. On n'avait que des jeux. Ça fait qu'on apprenait, on savait jouer après un peu à tous les jeux. Hein. D'accord. Parce qu'on n'avait que ça, on n'avait rien autre chose pour jouer. Hein. Il n'y avait pas de... Oui, moi ça, c'est pour moi, on est dedans. J'ai commencé, c'était vers 9 ans, mais on jouait avec des haricots. On ne jouait pas avec de l'argent, on jouait des haricots pour marquer. Haricots secs. C'était comme ça. À quoi vous jouez, vous ? Tant pis, on va pas insister. On ramasse les cotisations pour l'année. Ah d'accord, c'est pas un jeu. Parce que ces messieurs dames ont payé une cotisation. On a fixé à 14 euros pour l'année. Voilà. C'est vous la présidente ? Oui. Vous venez jouer aussi ou vous êtes juste présidente ? Ah non, je joue des fois. Je fais le bouche-trou, si ça arrive. Je fais le bouche-trou. Quand il en manque une ou deux. Ben là, je suis pas très bonne, hein. Mais ça fait rien, donc je joue. Et puis des fois, je gagne quand même. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Il paraît que vous cuisinez super bien. Pardon ? Il paraît que vous cuisinez super bien. Bon, n'exagérons rien. C'est votre présidente qui me l'a dit. Ah, alors, dans ce cas-là, c'est qu'elle a eu l'occasion d'y goûter. Ah, vous avez quel âge ? Si je peux me permettre. Bon, permettez-vous, 92 ans. 92 ans ? Oui. Vous êtes en forme pour 92 ans. Ah oui. Et qu'est-ce que vous venez faire ici ? Vous venez jouer ? Oui, je joue à la belote quand. Bon, oui. Je viens pour vous. Oui, je joue à la belote. J'aime bien le Scrabble, mais il n'y en a pas beaucoup. Ah. Je joue, avec mon épouse, on jouait beaucoup au Scrabble. D'accord. Elle m'a laissé tomber, alors. Vous avez perdu votre partenaire de Scrabble ? J'ai perdu ma partenaire de Scrabble, oui. Alors ça, j'aime pas trop ces jeux-là, pas trop. C'est quoi ça ? Rubik's Cube ou Triglomino, je sais pas trop quoi. J'aime pas ça, c'est des jeux de vieux, ça. Alors, vous comprenez. Et la belote, c'est pas pour les vieux ? La belote, c'est pour les jeunes ? Non, c'est pour les vieux aussi. Ah oui, mais il manque le N. Ah oui. Suite. Ah, c'était suite. Si vous voulez, bon, mettez ça comme ça. Usité. Usité, très bien, chef. Non, je ne sais pas si ça se dit. Usité. On m'a volé un dictionnaire, il va falloir que j'en rachète un. Il est là, le dictionnaire. Il est là. Oui, c'est pas vraiment, c'est oui. Un Scrabble. Oui. Ça. Alors le Scrabble, il emploie des fois des choses, c'est juste. Hein. Vous ne trouvez pas chez un dictionnaire. Et vous jouez à ça à chaque fois que vous venez ici ? Oui, moi je n'aime pas jouer à la belote. Je ne sais pas jouer. D'accord. Je ne connais pas les cartes du tout. Ça fait combien de temps que vous venez ici ? 4 ans ? Oui, 4-5 ans, oui. Avant, j'allais au club de la Grand Fond. Vous voyez, vers la gare. Et comme le maire a repris l'appartement que le club était, alors ça fait que le club est dissous à la Grand Fond. Il a fallu se mettre à droite, à gauche, quoi. Et vous avez retrouvé des amis ici, du coup ? C'est des nouvelles personnes ? Je connais, je suis du quartier, alors... Monsieur Pinson, c'est mon voisin d'en face. On est... Monsieur, je cuisine bien. Et puis, ça sent bon, hein. C'est vrai ? Mais j'ai juste le plaisir de sentir. Parce que moi, ça fait 8 ans, malheureusement, que je suis toute seule. Et depuis 8 ans, je cuisine plus du tout. Donc, c'est quoi qui vous intéresse ? C'est de jouer ou c'est de rencontrer des gens ? Les deux. J'aime pas la solitude, alors. T'es tout seul à la maison, c'est long. Pas de chance, pas de voyelle. Ah oui. Seul. Alors. Seul. Quelle heure ? 4 heures ? Je crois que c'était plus tard que ça. 4h10. Ah, il est pas tard. Pour 10, 5. À 5h, terminé. 5h, c'est fini. Oui, 5h moins 10, même. Okay. Moi, ça fait 60 ans que je joue à la belote. Ah ouais. C'est qui vous a appris ? Mon père. Et vous, ça fait combien de temps que vous jouez à la belote ? Ah, bah, trop longtemps. Et vous vous souvenez qui vous a appris à jouer ? Oh, mes parents, mon papa surtout. Oui, bah, il jouait à la belote, alors avec mes frères, tout ça. Et puis moi, j'étais là, qui était plus jeune, alors ils m'ont appris à jouer à la belote. Et c'était qui votre partenaire en général ? C'était un de vos frères ou votre père ? C'était mon frère, oui, mon frère. Alors, avant, on était à la MJC, avant. Le club était à la MJC. Et j'ai joué au tarot. Mais maintenant, il n'y a plus personne pour jouer au tarot. Je préfère le tarot. Je vais au jardin de la Garenne. Pour y jouer ? Oui, pour jouer avec les résidents. C'est un beau jeu, voilà. Le jeu de tarot. Oui, vous aimez bien aussi ? Ah oui, moi je jouais aussi, mais elle jouait beaucoup au tarot, la dame. Oui. Et vous, ça fait combien de temps que vous jouez ? Au moins, il n'y a pas longtemps. Non. Ah, vous êtes une débutante de la belote ? Oui, parce que moi j'ai appris en vacances, hein. C'est des amis de vacances qui m'ont appris, mais c'était folklorique. Hein. Pourquoi ? Parce que je ne comprenais rien, alors je jouais n'importe quoi. Voilà. Puis bon, maintenant, on se fait des boulettes encore. Hein. Hein ? Allez, viens chez moi, j'habite chez une copine. Merde. Elle habite pas chez moi. Elle a un atout. Et voilà. Elles sont capots. Elles n'ont pas fait de plis. Les marques tous les points. On a gagné la partie. C'est moi ? Oui, à toi. Ah, mais déjà. Là, on a une gagnante ? Oui, j'ai gagné. Il me reste plus de pions, j'ai gagné. C'est à toi ? C'est à moi ? C'est à toi. Moi, j'en vois un. Hein. Rien, hein. Ouais. Ah, t'es pas fermé, tu fais le camembert. Ah oui. Vous êtes mauvaise joueuse ? Non, ça va. Non. Non ? On aime bien gagner de temps en temps. Ça nous fait rien de perdre. On le fait. Bon, c'est pour ça passe l'après-midi. On se retrouve et ça passe l'après-midi. Ça y est, je suis partie. Celui-là et celui-là après. Moi, je fais ce que je veux. Je suis la plus jeune du club, alors. 66. Et ça fait... Oh, je dirais bien les... 16 ans, oui. Quelle ancienne présidente, elle me dit, tant bien avec nous. Je dis, mais j'ai pas l'âge. Si, si, elle dit, on s'en fout que t'as pas l'âge. Viens. Alors, ça fait moi 16 ans que je viens. Non, on n'était pas là, on n'avait pas l'âge. Vous êtes copines depuis longtemps, toutes les trois, alors. Ah ouais, nous, toutes oh, les bah, deux. Bah, nous, Même elle, elle deux avant moi. Oui, parce que moi, je suis arrivée à la cité en 92. Moi, je suis en 83, moi, que j'ai arrêté la cité. J'ai joué là. Et vous êtes voisine, du coup ? Bah, plus maintenant. On était voisine, oui. Et vous habitiez où ? Saint-Exupéry, là. Les HLM, là, qui sont jusque là. Ok. Et là, vous avez déménagé où, du coup ? Moi. Vous étiez toujours à la Grande Garenne ? Moi, j'y suis toujours, mais non, elle a déménagé. Non, moi, je suis partie, moi. Mais je continue à venir ici. Oui, je vois ça. Je prends deux bus pour venir, mais ça fait rien. Et vous avez des enfants, tous les trois ? Oui, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Enfin, toi, arrière. Arrière, oui, moi. Mon arrière-petite-fille, oui. Je la garde, elle a 16 mois. Ah ouais. Ouais. Vous faites des jeux avec elle ? Ah oui. Vous jouez à quoi ? On joue à la balle, je lis des livres, je joue avec ses petits jouets, enfin... Non, je le coupe, quoi. Celle de 18 ans, 18 ans, c'est le portable, là, là, là. Et puis le petit de 7 ans, c'est... Comment que c'est le jeu, là, qui donne manette rouge et bleue, là ? C'est la PlayStation. Ah non. Non. Ah bah oui, c'est mieux. La Nintendo Switch. Voilà, c'est avec ça, lui, qui joue, ah ouais, à 7 ans. Ouais, ouais. Alors, mamie... Elle l'emmène à la maison, ça chouette, je sais pas comment vous dites, là. Et elle l'emmène, et on joue quand même... Elle la pose, et on joue quand même au cœur. Bon, qu'est-ce que tu m'as mis ? Oh, leur jeu, maintenant. Ça y est, c'est fini, du coup. Ah, mais bon, on va faire un autre part. Ça va jamais. Ça va jamais. Jusqu'à 5 heures, d'une heure et demie jusqu'à 5 heures.

En tout cas, on a été très très très bien accueillis à la MJC. On s'est assez rapidement senti chez nous quand même. Voilà, donc merci beaucoup. Bah c'est ça, les MJC, c'est les maisons pour tous, donc faut se sentir chez soi. Alors Laurence, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail ici ? Alors moi, je suis animatrice culturelle et développement de quartier. Je suis en poste depuis 2008, donc ça commence à faire un petit moment. Voilà, donc je m'occupe des animations culturelles, donc c'est le lien aux manifestations de proposées par la ville d'Angoulême ou l'agglomération. Donc là, on est en plein festival de la BD, donc voilà, et puis d'autres manifestations au long de l'année, comme le festival du film francophone, le festival de la photographie et moi photographique, les gastronomades, Piano en Valois, où on a accueilli aussi des concerts pédagogiques. Là, ça fait 2 années qu'on n'en accueille plus, mais voilà, on espère toujours pouvoir réoffrir les propositions culturelles aux habitants du quartier de la Grande Garenne et du secteur ouest, et de se dire que c'est pour les habitants, pour tous aussi, toutes ces propositions culturelles. Et puis il y a le volet aussi développement de quartier, donc c'est plus sur l'amélioration du cadre de vie, le bien vivre à la Grande Garenne, et dire aux habitants qu'ils ont leur part à faire pour bien vivre dans le quartier. Donc voilà un peu le panel des missions. Merci beaucoup. Alors, tu m'as raconté une anecdote un jour. Donc, on fait une émission aujourd'hui sur le jeu. Et tu me parlais de balançoires un peu particulières. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote à Quoi de Neuf la Grande Garenne ? Alors oui, cette balançoire, donc c'est plus l'été, en se promenant dans le quartier. Et du coup, devant la pharmacie rue... rue Pierre-Omètre, voilà, il y avait une balançoire improvisée dans un arbre, donc faite de tissus récupérés et saucissonnés les uns aux autres, et avec une corde et puis une planche en bois. Donc et je pense que c'est la communauté mahoraise qui avait fabriqué cette balançoire pour les enfants, parce que l'été, c'est vrai qu'on les voit particulièrement occuper les lieux publics et en pied d'immeuble se rassembler avec les enfants, les mamans avec les enfants. Et donc il y avait cette balançoire, voilà, improvisée. D'accord, bah c'est, je trouve ça super chouette. Est-ce qu'il y a des parcs pour enfants, ou enfin oui, les enfants peuvent jouer l'été? Alors, donc là, ça a été une grande question, c'est cette proposition de jeu dans les lieux publics, donc parce que en fait, on sort de l'opération de renouvellement urbain, et du coup, il y avait pas mal de jeux un peu partout dans le quartier, et comme l'opération a vu donc la propriété des en pied des bâtiments des offices HLM qui étaient gérés par la mairie, donc par la ville d'Angoulême, ces terrains ont été rétrocédés aux bailleurs. Donc il y avait après une question de responsabilité et de coût de ces entretiens de jeu, avec les normes qui ne cessent d'augmenter, donc voilà, les risques de sécurité, d'accident. Donc le bailleur, on n'en a qu'un sur la Grande Garenne, il n'a pas pu continuer à faire cette proposition, et ceux qui étaient en mauvais état ont été enlevés. Donc là, actuellement, il y a 2 espaces qui ont été proposés, donc en face de la crèche, la Zarafa, le pôle Zarafa. Il y a un espace de jeu qui a été qui est récent. Et puis, c'est vrai qu'il y a une grosse demande des habitants de Grande Garenne pour qu'il y ait une proposition de fête dans ce qu'on appelle le bois de la Grande Garenne, là où avant il y avait la MJC. Donc voilà, ça c'est en attente. Mais c'est vrai que l'été, on voit plusieurs personnes jouer de manière spontanée, hein, j'imagine. Mais vers le parc de la Villa Mondésir, il y a des papas qui jouent, qui descendent jouer. Moi, au début, quand je suis arrivée donc, ici sur le quartier, en 2008, je faisais beaucoup de photos sur le quartier. Et notamment sur Basso, j'entendais des claques, claques. Et en fait, c'était des hommes de la communauté africaine et ils jouaient au domino. Et donc, ça faisait énormément de bruit, ça tape. Voilà, moi, ça m'avait intriguée. Donc voilà, il y a quand même une tradition du jeu. Et là, on est avec Arazim, un apprenant des cours de français. Et voilà, on était en train de regarder le vocabulaire, à quel jeu, les cartes, le domino. Et il m'expliquait qu'il jouait. Alors, il me demandait est-ce que là, on joue de l'argent ou pas. Donc, je ne sais pas s'il y a toujours de l'argent en jeu, mais je ne pense pas. Et donc Arazim, qu'est-ce que tu m'expliquais que vous, dans ton pays d'origine, des fois vous jouiez un peu d'argent? Oui, well, bonjour. Quand j'étais enfant, pas maintenant, oui, avec l'argent. Mais pas la famille pas agréée. Pas d'accord. Pas d'accord, oui. Tu m'as dit. Oui, tu vois, on va comme ça. Oui. Vous allez être puni. Oui, d'accord. Puni. Très bien. C'est qui va punir? Grand-père? Qui c'est qui va punir dans ce cas-là? Grand-père. Ou aussi voisin. D'accord. Oui. Bon. C'est vrai que les jeux, nous, on pense que les jeux avec de l'argent, c'est plus quand on est adulte, quand on est grand. Non, donc pas pour qu'on gagner l'argent. Oui, c'est pas ça. Pour aventure. D'accord. Ah oui. Pour s'amuser. Ah, oui, pour eh ben, s'amuser. Merci beaucoup. Ben, moi, ça me donne envie de revenir l'été pour voir tous les jeux qu'on peut voir à l'extérieur. Et Laurent, si tu veux écouter l'émission jusqu'au bout, on a une petite surprise domino à la fin. Ah, super. Si tout reste comme prévu. Voilà. Et Flo, dehors, ce n'est pas de l'argent qu'elle joue? Et elle n'attend pas l'été ni les toboggans pour jouer? Il joue à quoi dehors? Aux cartes. Mais quel jeu de cartes? Je n'en ai aucune idée, on va écouter ça. On joue au Ourski? Non, ça l'arsène? Ah, si, ça l'arsène un peu. Alors, ce sont des tests techniques, hein. Évidemment, oui. C'est la première de la Caradoc. La Caradoc s'échauffe aujourd'hui. Faites Faites du bruit, Flo. Ah, coucou. On joue au Ourski, qui peut s'appeler Combo ou je sais pas quoi. Tout un tas d'autres noms, mais moi j'ai décidé de l'appeler Ourski. C'est un jeu de memory et de... Bon, on va reprendre le micro parce qu'on vous entend pas. C'est le Ourski, c'est ça, Flo? C'est le Ourski. Donc c'est un jeu. Eh ben, bon. Amuse-toi bien. Hein. Oui. Désolé. Bon courage. Bon jeu devant la caravane. Qu'il ne pleuve pas trop. Oui, on n'arrive pas à faire fonctionner les micros dehors. Ouais. Et on enchaîne avec Nausicaa. Alors, pour continuer sur le jeu, moi j'ai eu le grand plaisir hier après-midi d'aller à l'accueil jeune dans la MJC et j'ai vraiment été agréablement surprise des animations qui étaient proposées. Voilà, moi je pensais que c'était plus un temps où les jeunes jouaient voilà, ping-pong. J'avais vu des tables de ping-pong et des jeux de cartes. Voilà. Et en fait, je me suis retrouvée avec du coup Delphine. Qui proposait des animations aux enfants qui avaient différents âges. Et je vous propose de l'écouter. On peut peut-être en parler après. Allez, on révise. Donc vous êtes par exemple... Non, non, non, non, Lamia. T'arrives par là. Lamia. Vous êtes derrière un peu plus loin. Et vous voyez qu'on va mettre un obstacle pour qu'elle galère. On a des caméras. Donc du coup, là, on est à la MJC Grande Garenne, à l'accueil de loisirs des 11-17 ans. Et du coup, cet après-midi, nous avons fait des scénettes en rapport à notre thématique sur la différence est une richesse. Je vous dis le scénario. Vous êtes des filles, vous êtes derrière, et vous voyez qu'il y a la dame qui est avec son bâton et qui galère un petit peu. Et vous arrivez en disant « Venez, madame, on va vous aider ». Et il y en a une qui va la tenir pour la faire traverser. Il n'y a pas un groupe de méchants. Non, il n'y a pas de méchants là, il n'y a que des gentils. Action ! Bonjour madame. Bonjour. Encore vous aider? Oui. Attention, il y a une voiture. Attention, il y a une voiture qui s'arrête. Attention, il y a une voiture qui s'arrête. Il y a des passages piétons là. On est au passage piéton. Qui dit? Oh non, passage piéton. Vous allez où? Chez moi. Est-ce qu'il y a des gens qui se moquent de vous? Oui, des fois. C'est dur de marcher comme ça? Un petit peu. Grâce à ma canne. Grâce à ma canne. Ouais, super. Merci, vous êtes des filles merveilleuses. Vous m'avez accompagnée jusqu'à chez moi, alors qu'il y a des filles qui ne viennent pas m'accompagner chez moi et tout. Merci. C'est bien, là, bien. Au revoir. On va l'écrire. Comme ça, tu auras une trace, d'accord? Et j'aimerais que vous mettiez vos mots à vous, pas mes mots à moi. D'accord? On a commencé à faire les scénettes, un théâtre qui parle du racisme, de la différence et de la gentillesse et tout ça. Bon, alors cette fois-ci, je vous indique rien. Je veux que Selma s'affirme un peu plus. Elle se cache derrière Miss Tigrou. Action, ça boum. C'est quoi ici, là? Je pense que c'est du travail. Tu veux de l'argent? Non, mais nous, on ne vous donne pas de l'argent parce que vous êtes des clochards. On n'a pas que ça à faire, les amis. Vous donnez de l'argent. Mais il n'y a pas de pas bien. Même temps, je peux te le jeter même à la poubelle. C'est bien. Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Arrêtez de l'embêter. C'est pas en l'embêtant que vous allez l'aider. Dans la vie, il faut être solidaire. Regarde, toi, tu donnes ton argent. Merci. Après, vous continuez à parler. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me dire, on est là pour ça. Alors, parlez plus fort et allongez votre texte. Dans déjà, revue, mais je on veux que plus toutes fort. Les deux, vous ayez la parole, en fait. Je veux qu'il y en ait une qui dise, oui, c'est pas comme ça qu'on est... toi, tu dis ça, par exemple. Et toi, par exemple, tu pourrais dire, ah, vous vous trouvez maligne à embêter quelqu'un de plus faible. Tu vois? On reprend avec cette phrase-là? Ok, vas-y. Ah, let's go! Ah, ça y est, elles ont plus beau. Olivia Dolce Gabbana, là! J'ai fait le rôle de la gentille. Et vous répétez tout le respect? Oui. D'accord. Toi, tu habites dans le quartier? Oui, j'habite là. Elle est où là-bas? Alors, toi, par exemple, tu dis aidez-moi à parler? Donc, ils ont fait une thématique par rapport justement aux handicaps, par rapport aussi aux racistes, etc. Et du coup, justement, ça pourrait prévenir, c'est plus pour les valoriser et pour montrer, du coup, justement, à ouvrir plus leur esprit par rapport à ça. Et justement, ben voilà, leur faire comprendre aussi plein de choses. Vous êtes prêts, les loulous, là? Sophia, vous êtes prêts? N'aie pas honte, voilà que ça va bien se passer. Je te jure, on est là et on est entre nous. Hein. On est entre nous, Sofiane. T'as pas à voir. Oh, c'est quoi ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je suis en train de me bêter. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis handicapée. À quoi parler, là? Pourquoi tu parles, toi? Je sais pas, je veux pas que j'arrive. Moi, je t'insulte comme ça. Je t'empêche de passer, ça se fait pas. Quoi? T'as pas le droit de faire ça. On est tous égaux, c'est mal. Toi, t'es blanc, l'autre, il est noir. L'autre, il est métis, c'est la même, hein, c'est rien. Il a le droit d'être handicapé. C'est le droit de l'homme, hein. Donc voilà, par exemple, t'es algérienne, l'autre est marocain, ça fait quoi? C'est la même chose. Donc voilà, t'as pas à harceler comme ça, tu le laisses passer maintenant. Allez. Ouste. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouste final, il est pas dit. Bon, c'est pas mal pour aujourd'hui. C'est dur. On l'a mis dans le rôle de la racaille, génial. Ah bah oui, moi, vous savez, je suis méchante en vrai. Et du coup, après, par la suite, on a fait une quiz musique qui pourrait leur permettre justement de développer, on va dire, leur culture générale. Alors, règle du jeu. La règle, c'est on va vous poser des questions sur de la musique. Dès qu'on dit la question, le premier qui attrape la balle, c'est lui qui répond. On est OK? Allez, 1, 2, 3. Complète la chanson. Complétez la chanson, ça fait bing, bam, boum. Ça fait piché, ça fait boum. Ah, prenez la balle. Non, mais elle l'a pas dit. C'est la ouais. 1-0. Donc tu le gardes, t'as 3 points. 1, 2, 3. Que veut dire la moulaga? La moulaga. Je suis Solène de Bernard, du coup je suis la directrice des accueils de loisirs 11-17 ans. Nous basons du coup à faire les mercredis, les vacances c'est prévu aussi, nous sommes à un projet de Toulon, même le soir, où le soir c'est plus le mardi, jeudi, vendredi, nous sommes plus à la Villa Mondésir de 16 à 18 heures, et du coup on est plus sur un projet de réaménagement dédié aux jeunes, pour justement qu'ils puissent s'investir au mieux de leur espace et qu'ils se sentent un peu plus à l'aise, et voilà. Qui a écrit Papa Outé? C'est Voilà. La bohème. Alors je vous la chante et vous allez peut-être savoir. La bohème. Mais oui, mais moi je la connais pas. Alors après je peux vous la faire en version. La bohème, la bohème, ça voulait dire la bohème. Alors je vais vous aider. C'est un vieux monsieur qui s'appelle Charles. Le reste à vous de trouver. Non mais tu joues. Bon, Sophia. Ok, vas-y, chante pendant une minute. La Reine des Neiges. Chut, attends, je veux voir la suite après le libéré, délivré, vous ne m'aurez plus jamais. Je suis là, Dimanche, lancée de charentaise, soupe à l'oignon. Radio Adoc. Sur le 101.1. Aérodynamisme des Charentaises. Retrouvez-nous dimanche à la Grande Garenne pour l'incroyable lancer de Charentaises de la Caradoc. Mais ça, ce sera dimanche. Et en attendant, on est toujours dans la caravane. Et on essaye de calmer tout le monde dans la Caradoc. J'ai l'impression que les esprits s'échauffent. Qui vient de nous rejoindre? Monsieur Balguéa, je me présente Balguéa, je réside dans le quartier de Bassot, la Charité. Bon, on est des jeunes de cité, quoi, on trouve des petits boulots par-ci, par-là, on se débrouille, quoi, pour nourrir nos familles, tranquille, on est bien, quoi, dans le quartier. On n'a pas de problème, ça va, alhamdoulilah. Est-ce que vous pourriez parler des loisirs dans le quartier? Les loisirs dans le quartier, déjà, la MJC nous suffit largement et longuement, vous voyez. Après, tu vois ce que je veux dire? C'est pas difficile à comprendre, c'est normal, quoi. On vient ici, on prend nos cafés, on tape les discussions, tranquille, on ne dérange personne. C'est pour ça que tu viens à la MJC? C'est pour prendre le café et retrouver tes potes? Ouais, tranquille. Bah, j'ai nulle part où aller, tu vois, j'ai que ça. J'ai nulle part où aller, bah voilà, on se rencontre, on se tape les discussions. Tranquille, sans complexe, ni avoir honte devant tout le monde, on n'a pas honte de parler. Hein. On parle, on discute, on s'échange des idées, tranquillement, alhamdoulilah. Et c'est quoi tes idées? Je propose mes idées, moi j'aimerais bien que tous les jeunes travaillent, quoi. Travail, c'est déjà pas mal, trouver un boulot pour les jeunes, pour des cités, de toutes les cités même, de tout le monde entier même, s'il faut. Hein. Faire le maximum pour les aider, quoi. Pour les aider. Et le travail, c'est cool, mais nous, on a envie de jouer aujourd'hui. Tu joues, toi? Jouer au ballon, c'est déjà pas mal. Au foot, du coup? Ouais, au foot, des fois. L'hiver aussi? Bon, l'hiver, un petit peu. Des fois, le sport, des fois. Voilà. Bon, madame, je termine là. Je dis quoi d'autre? Je passe le message, ce message à tous les jeunes du quartier de Bassot, de la Grande Garenne, de la Charité. Bon, vive l'humanité, quoi, et vive les cités, et vive les jeunes de cité, vive le bon Dieu. Vive le bon Dieu. Merci beaucoup. Merci, Anne. C'était beau, merci. C'était intense. Merci beaucoup. Et je vais tendre un micro. À Flo. À Flo. Flo qui nous a préparé un petit PAD. et qui est toujours dehors en fait, parce que je crois qu'elle essaye vraiment, vraiment de jouer. Oui, en fait, c'est même pas pour la radio, juste elle s'éclate. Mais elle s'éclate dehors. Et il pleut et on a dû rapprocher les shops des. Enfin, on a dû rapprocher les shops sous le Tivoli. Le Tivoli. Le Tivoli ou le Barnum? Le Barnum. Et donc, on ne peut pas entendre le jeu qui se produit ici. On est en train de jouer un jeu de cartes. Et donc, oui, je présente le PAD. Oui, parce que je suis allée à la Villa Mont-Désir rencontrer les enfants. Et c'est un espace qui est génial avec 2 étages, plein de salles partout, un énorme jardin. Et ils m'ont raconté, en fait, comment ils avaient construit. Enfin, allez, on va écouter. Voilà. La palette si elle tombe en arrière. Après là des fois on fait des. Ça fait combien de temps que t'es sur la construction de la cabane? Depuis que je suis arrivée à la villa. Et vous faites quoi après dans les cabanes? Bah en fait soit on fait des sols avec des palettes en bois et derrière on met des choses pour tenir. Là il y a un gros pic pour tenir la palette si elle tombe en arrière. Après là des fois on fait des petits porte-manteaux. Si t'as envie d'enlever ton manteau pour par exemple l'été. Et après on plante des gros bâtons. Là, ici, là on plante des gros bâtons. Comme ça. Par exemple, si on a envie de mettre, je sais pas moi, une feuille là ou des petits cailloux ou des trucs qu'on veut garder, bah quand il y a de la tempête, bah les bâtons, bah ça tient. Je comprends pas. Bah en fait, par exemple, tu creuses un petit trou là et tu mets des noisettes. Il faut le mettre derrière le bâton parce que comme ça, quand il pleut, bah, le bâton, bah, ça protège les noisettes ou les trucs qu'on veut mettre. Et vous jouez à quoi dans les cabanes? Soit un jeu, on invente des jeux là où on prend chacun un personnage d'apporte et on se fabrique une histoire. Max, tu viens m'aider? Avec Océane, vous venez m'aider? Bah c'est vrai. On est en train de déplacer vraiment des cailloux hyper lourds. Vous êtes en train de déplacer des montagnes. Ah ouais, des montagnes. Ah, ouais, des grosses montagnes avec des pierres. Je plante des morceaux de bois. Comme ça, après, les pierres, elles tombent, on pourra les bloquer. Et après, on mettra de la terre et ça fera un petit muret. Et ici, il y aura la pièce. C'est tout détruit. Oh, c'est mince. Pas toi. C'est pas toi. Pardon. C'est que un bâton. Hop, je remets le bâton. Il est dur. Et toi, tu joues à quoi dans la cabane? Donc, moi, je monte des fois ici, là. Comme un singe, c'est un singe. Après, je saute. Et hop. Et t'es un personnage? Oui. T'es quoi comme personnage? Moi, je suis un personnage Minecraft. Mais j'aime bien aussi la jeu. Moi, je m'appelle Chris, j'ai les cheveux comme ça. J'ai les cheveux bleus qui sont en pique. J'ai 2 grosses épées en métal qui sont magiques. Et mes pouvoirs, moi, c'est de faire plein de techniques et aussi d'avoir des yeux spéciaux. Des yeux qui font quoi? Bon, en fait, ça s'appelle des Sharingan et tu peux détecter tous les mouvements des autres. Et j'ai un démon. C'est quoi un démon? Un démon, c'est soit, par exemple, le diable, c'est un démon. Et en fait, bah, moi, il s'appelle Yuka, je sais plus comment. Et en fait, bah, c'est le démon des œils. Et je peux avoir n'importe quel œil, celui que je veux. Moi, je m'appelle Max. J'ai tous les pouvoirs, j'ai toutes les armes. Et je peux me téléporter. Et mes cheveux, ils sont juste en pique. Et ils sont blonds, comme moi. Moi, c'est bien couvert. 14. Oui, tu veux voir ultra long. T'es quoi? J'ai le Byakugan. Et en fait, je peux voir ultra loin. Ah, t'as un œil toi aussi super... Oui, c'est que moi, j'ai tous les œils. Et il fait quoi, ton œil? Ben, je sais pas, il copie les techniques. Ah, il copie les techniques? Ouais. Tu l'as pas dit, ça, tout à l'heure? Ben, ça, moi, je savais pas encore. Ah. Mais moi, je fais tout. J'ai aussi... des symbiotes, oui. Des symbiotes. C'est quoi, les symbiotes? En fait, des symbiotes, c'est comme dans Spider-Man. Il y a des gros hommes... Tout noir avec une grande langue de serpent. Et en fait, bah, ces hommes, c'est des symbiotes. Okay. Et il y en a de plusieurs couleurs. Et par exemple, il y en a qui dévorent les gens. Il y en a qui aident les gens. Il y en a qui sont verts parce qu'ils ont le pouvoir de l'herbe. Il y en a plusieurs. Il y en a plein de symbiotes. Et la plupart de mes symbiotes, ils s'appellent Carnage. Parce que Carnage, il s'appelle Carnage. Il est rouge et il est noir. Oh, est-ce que vous, vous combattez les méchants? Ouais, mais il n'y a pas de méchants. Mais c'est... Moi, je veux bien être une méchante, hein. Ok, ouais. Moi, je suis un démon... Je suis un démon à 6 bras. Ok. Et je suis toute rouge avec des écailles. Et des dents pointues. Et des dents pointues, ouais. Et une voix comme ça. J'occupe votre territoire de réunion. Okay. Et vous devez m'en déloger. En vrai, mais vous devez trouver des techniques pour me déloger parce que je suis ultra puissante. Hein. Eh hey Flo, t'as été délogé au final ou pas? Crie, on t'entend pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on est venu m'enlever du territoire. En fait, avec voilà. Des super pouvoirs, on a fait sortir le démon de moi. Et du coup, après, j'ai rejoint l'équipe pour pouvoir jouer dans l'équipe et combattre les méchants à mon tour. Wow. Et le démon se baladait de corps en corps, de possession en possession. Ah, c'est flippant un peu quand même. Oui, c'est flippant. Bon, après la possession, je ne sais que faire comme transition pour passer au football. Donc je te laisse présenter. Oui, la possession de la balle, c'est pas mal, effectivement. Donc Camille, c'est toi, je crois, qui nous a préparé un petit quelque chose sur le football dans le quartier. Ouais, c'est une petite... Enfin, pour changer un peu de thème, de sorte de jeu, je suis plutôt allée vers le sport et... Et du coup, j'ai essayé de rencontrer des gens qui font du foot dans le quartier. Et c'était très varié. Je suis passée d'abord au bureau de tabac, ensuite au café et après dans la salle de foot, enfin pour le foot en salle. Et voilà, du coup, c'est un peu une immersion à travers les gens que j'ai rencontrés dans ces lieux-là, avec des gens. Ah si, c'est pas un bar tabac ici, hein, c'est un tabac presse. Tabac presse, ok. Nous on est là depuis 2015, et donc c'est pas vieux, et voilà, l'évolution continue. Ok. Ouais. Vous êtes habitant du quartier? On loge ici, au-dessus. On loge au-dessus. Ah ouais, ok. On D'accord. tombe du lit, on arrive au bureau. Et est-ce que vous regardez le foot? Non. Alors je fais un petit peu de sport, mais je regarde pas la télé. Okay. Et comme j'ai pas beaucoup de temps libre non plus, je me déplace pas suffisamment sur le stade. Enfin, même jamais, c'est pas bien. D'accord. Bon, mais non, promis, les gars de la GSB, je vais venir vous voir un jour. Du coup, je me demandais s'il y avait beaucoup de gens qui achetaient des jeux à gratter Gaulle. Oui, est-ce que vous avez sûr, des statistiques oui. sur non, les jeux à gratter? Mais on vend beaucoup de jeux à gratter de tout. D'accord. Voilà. Et par contre, on sponsorise la GSB, ouais. le club GSF portugais, et... Linar et Fléac. Vous avez mon journal. Pourquoi ? Merci beaucoup. Pourquoi ? Et je vais acheter un goal. Oui, bonne journée. Alors, goal ? Oui, s'il vous plaît. Un seul ? Deux. Deux. Au revoir. Merci. Bonjour. Ça va bien? Ah, c'est un bonjour. Et ici, vous regardez le match de foot au café? On voit, oui. Bon, ben, chez moi, j'ai tout. Mais enfin, ça me prend de regarder des matchs. Des gros matchs. Parce qu'avec la France, on se réunit, on tape. On tape dessus. Allez, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. Quand ils ont gagné, ils ont battu les Français, les cheveux. Et ben, on était fait la fête en ville. Dans son camion. T'étais pas toi dans son camion. Il avait mis son. T'étais pas dans son camion toi. Non, moi j'étais pas. Ah, t'étais pas. Mais bon, il y a une petite peinture dans la collection. Il l'avait mis là, dans le coin là, oui. Où il y a le rond-point. Et puis il a mis son camion, elle est Portugal, bon, bon, ils étaient tous dans le camion de la veine. Moi j'étais à la place de lui, j'ai tiré la veine, ils étaient tous par terre. Ça a failli en ville. C'est parce qu'il a fait. Alors, ah, oui. La veine qui se venait, nous on était tous dans la. Ah oui. Il y a tant qu'un autre, mais non, la veine qui se lève. On a fait de bonnes fêtes en ville. Il s'est trompé de manette. Les filles qui étaient là, faites pas de conneries, hein, les gars. Faites la fête, mais. Et après, ils sont partis. Tu es porté, ils ne vont pas le casser. C'est l'ambiance, c'est bien. Et ils avaient confiance en nous. On n'allait pas pour casser, on allait pour. Vous étiez bon dès le début avec le club. Écoute, moi Soffre, il y a Soffre qui est là. Ouais. Lui était joué contre l'autre équipe portugaise. Et là, Fernando, là, Soffre, il fait un coup de franc. C'est moi qui marque le but, il montait de vision. Ah ouais, c'est moi qui m'ai joué, juste là j'avais 27 ans, 28 ans. Soffre lâche le ballon, moi j'étais un peu dans la défense, j'ai pris un reprise, comme au final, mais je vois ça dans la photo, mais malheureusement, Stalin n'avait pas trop de photos, avec moi. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et quand vous êtes arrivé, du coup, vous étiez plusieurs Portugais et vous avez commencé l'équipe dans le temps, oui, mais l'équipe de foot, son père Salette, il l'a montée dans les années, que je m'en parle, 76, 75, 70. Voilà. Hein? 74, voilà. Et moi, j'ai venu en 69. En 1969, 16 ans et demi j'avais. Vous voyez, 16 ans et demi, je travaillais dans la maçonnerie. Alors j'étais maintenant, je travaillais bien, et puis j'ai appris à faire la maçonnerie. Et après j'ai quitté. 3 ans après, j'ai resté dans cette entreprise-là, je suis parti. Et j'étais fait pâtissier, voilà, je voulais dire par là, pâtissier, pendant 30 ans, dans l'usine, pas loin d'ici, Saint-Eriex, biscuiterie du bas de la Roche. Au Portugal, vous travailliez déjà ou J'étais à l'école là-bas, jusqu'à un certificat d'études, parce que mon père était agriculteur et il avait besoin des enfants pour travailler dans la terre. Agriculteur, c'est dans la terre. Et nous, après, on a eu cette occasion-là de venir gagner de l'argent en France. Voilà. Et on donnait la paye au papa jusqu'à 21 ans, la majorité dans ce temps-là. Il nous donnait une pièce, 50 francs chacun. Oh putain, 400 balles. Oh, attention, moi j'ai une grosse pièce. Il faut arriver jusqu'à combien? Je sais pas. Non, il faut gratter le gain après. Et je crois que si t'as deux sommes pareilles... Il a fait la valise 3 fois. Et 3 fois, j'ai dû valer sa valise. Et après, j'ai dit au patron, faut le mettre avec moi. Pour... Quand on leur demandait quelque chose, par exemple, un outil de chantier, comme un sainjoint, qu'est-ce que c'est un sainjoint, qu'est-ce que c'est une pelle, qu'est-ce que c'est un balai, tout ça. Il ne savait pas. Alors je l'expliquais, et puis voilà, il a pris comme ça le vieux. Hein. Et puis voilà, il a resté quand même 12 ans. Hein. Après, il partait à la retraite. Il est venu pas tout jeune, il avait presque 50 ans. On est à 4 euros. C'est grâce à moi. On a gagné 4 euros. Wouh ! Et c'est déjà cool, hein ? Non, mais on est des pros du foot, donc qu'est-ce que tu crois ? Ah ouais, ah ouais, Jean ! Bah là, on est dans le quartier de la Grande Garenne. Donc c'est un quartier précaire d'Angoulême. Et on a mis en place un projet de futsal féminin interquartier pour un peu se rassembler et pour que les filles trouvent leur place au sein du quartier. On voulait regrouper tout le monde. Et vu que le foot, souvent c'est souvent un truc de gars, enfin c'est plutôt les gars qui font ça, et il n'y en a pas beaucoup qui font. Ben, je crois qu'il n'y en a même pas sur Angoulême hein, de foot en salle féminin. À part ma campagne, vite fait. Et du coup, ben, on a voulu faire. Enfin, Mendel a eu l'idée de faire ça. Et vous, voilà. vous faisiez du foot, vous? Il y en a qui en faisaient? Vous avez découvert? Il y en a qui viennent par plaisir et il y en a d'autres qui viennent parce que c'est leur passion et tout, ouais, ils suivent à l'extérieur. C'est ouvert vraiment à tous. Et avant de faire du foot, vous faisiez une autre activité sportive ou Moi, je fais du handball de base. Et, comme j'aime bien le foot, j'en fais à côté. Moi, j'ai arrêté. Arrêtez, il y a deux autres. Je rigole. Mais elle jouait avec pas, tu m'as attrapé. Ah, ma tante. Du coup, t'as repris. Et pourquoi t'avais arrêté? Mais en fait, moi, j'ai commencé le foot à 6 ans. J'ai commencé à Leroy Sommer, je jouais avec des garçons. Parce qu'il y avait mes frères, du coup, je jouais avec eux dans leur équipe. Et du coup, après, je suis allée. Enfin, j'ai fait plusieurs clubs. J'ai fait Soyo, j'ai fait Basso, j'ai fait ma campagne. Et je crois que j'ai fini avec Basso. Avec Basso, je jouais avec les garçons. Après, j'ai mort. Du coup, j'ai arrêté le foot. Tu dois être contente qu'il y ait une équipe de filles. Ouais. Puis il n'y a pas que le foot en salle, on essaye de monter des projets pour avoir des gens et partir en vacances si possible. Enfin, faire des activités. En vacances, des vacances. Trop bien. Vous avez un projet en ce moment Parce qu'on a déjà des partenaires qui nous ont mis à financer des projets tout qu'on nous payait, par exemple, les matériaux, les survêtes, les équipements et tout. Et du coup, c'est quand nous, on aimerait bien. Enfin faire des sous, même nous, genre par exemple on fait des ventes de gâteaux ou des trucs comme ça pour récolter les sous, et après on a un projet, c'est par exemple faire des vacances ensemble cet été, ou il y en a si elles veulent passer le bac ou des trucs comme ça, on aide comme ça. Ah ouais, c'est trop bien. On aimerait bien on n'en est pas sûr vraiment du tout, genre en Barcelone on avait dit ça, ouais. Paris, Marseille, ouais voilà, ou l'Espagne aussi, ouais l'Espagne, ou là où dans le sud de la France, ou dans il y a du soleil. Bah non, le Nord, Paris, on avait pas Paris, il y a ça vers l'hiver. Ouais, voilà, c'est vrai. Et vous aimeriez genre pouvoir faire des matchs aussi en extérieur, sortir en... On a prévu de participer en Espagne, c'est en Espagne. Apparemment, ouais. C'était un comment ça s'appelle? Un tournoi. Depuis tout petite, hein, quand la plupart des filles ici ont des grands frères, et c'est comme ça. Hein, c'est... Depuis toute petite, on joue avec eux. Et voilà, c'est... Puis au fur et à mesure. C'est nous, on les voit jouer et après on a envie de jouer avec eux. On a envie de... Okay. Et vous mettez le foot aussi à la maison entre vous maintenant, ou vous vous retrouvez dans des endroits pour faire. Si on fait par exemple des fois, on va faire entraînement et après on va faire kebab. Et si on voit kebab, c'est sûr qu'il y a des matchs qui vont passer, tout comme ça, il faut se caler entre nous. Ouais, après, je pense qu'il y en a qui supportent Marseille, d'autres Paris. Donc, faut voir. C'est quoi là? Qui et pourquoi? Marseille. Paris. Et vous regardez le foot féminin aussi? Non. Vous avez regardé la Coupe du Monde féminine? Non. La Coupe du Monde des hommes, oui. La Coupe d'Afrique, oui. Mais pas la Coupe féminine. C'est moins intéressant, le foot féminin. Elles sont nulles. Ouais, c'est pas pareil. Voilà, nous, on est une équipe de foot féminin, mais on n'est pas à fond dedans. Ouais. Donc, après, c'est juste pour s'amuser, rigoler. C'est pas professionnel. Sérieux, quoi. Ok. Bon, merci. Il n'y a pas de souci. Hein. Au plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Et bon courage. J'espère que vous allez trouver plein de partenaires. Je vais être pris en vidéo. Et moi, je ne suis pas interviewée. Non. Salam alaikum, alaikum salat. Ouais, ça va ou quoi? Caradoc, Caradoc, Caradoc. La Caradoc arrive! On lui apporte son épée. Radio Adoc 101.1. Nous sommes toujours dans la Caradoc. Nous sommes le jeudi 30 janvier, en direct sur Radio Adoc. Et nous retrouvons encore une fois Florence, qui a été rejointe par plusieurs joueurs, je crois, de 8 Américains, c'est ça? Huit Américains. Et alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer comment ça se joue, Momo? Alors le 10 pour rejouer, le 7 pour rejouer et le l'as pour en prendre 2. En fait, l'as, il faut en prendre 2. C'est comme une question. Si on pose un as, on demande un as. Et si on n'a pas d'as, on se prend 2 cartes. Donc voilà. Et c'est quoi après? Le but du jeu, c'est de finir les cartes. Voilà. De finir les cartes qu'on a dans sa main. Et qu'est-ce que tu dirais de la compréhension du jeu, Sébastien, pour l'instant? Qu'il faut juste avoir la mémoire de ce que permettent de faire les cartes pour pouvoir les anticiper. Et avoir suffisamment de chance pour tirer les bonnes. Voilà. Alors, nous, on est... installé sous le Tivoli, donc dehors, devant la caravane. Et quoi? Et on se mouille un peu, et il fait un peu froid, parce qu'on est en hiver et qu'il fait froid. Et hier soir, donc on a dormi à la Grande Garenne avec l'équipe. Et je me suis... on est sorti de la mosaïque à un moment, et on a vu un attroupement de personnes sous un lampadaire. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors j'ai pris mon micro et je me suis dirigée vers eux. C'était assez particulier. J'entendais des bruits de claquements. Et en m'approchant, je me suis rendu compte que des gens jouaient là au domino. Et ils aimeraient bien aussi trouver un endroit où jouer, pas sous la pluie ou pas dans le froid, quand il fait froid comme ça, parce qu'ils ont du mal à trouver un endroit... où jouer au domino pour se rassembler. Parfois, ils sont 20, ils me disaient. Et donc, on va entendre le son de ce jeu de domino sous le lampadaire la nuit. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer les règles, juste? C'est le jeu de domino. Jeu de domino. Des fois, vous entendez des paroles en arabe. Et puis, si vous voulez, essayer de traduire, puis quand vous voulez. 4-4. 4-4. امرا راح ينقطوا على الجماعة مع على الراديو هذوك ندوزو واش عندك انا طوندو علاه تخسروا علاه دوك نقولها لك في الراديو نقولها لك رجع الله يوسف علاش يوسف والناس يوسف لا والله ما غاديش بلون بلون بلون بلون بلون انتما صاحبك مضمونه سي دوماج ما كنتي بلا راه وي دوماج دوماج الى فين بولات اه وي ان بولات فوالا سي با غاب سي با غاب سي با غاب خرج فيها ولا خرج نوض قاعده مره نوض وي فوالا بون سي با بون مي 100 بوين فوالا celui qui marque 100 points en premier c'est celui qui a gagné égal la partie quoi ça s'appelle double 6 déjà. C'est la pièce qui contient le nombre le plus grand de chacun voilà, prend cette pièce de points. Et celui qui termine le premier, c'est celui qui a gagné. D'accord, voilà. C'est bon, c'est à toi maintenant. D'accord. Allez. Voilà. Bon. Il commence à gueuler. Voilà, parce que la vie est. Vous jouez en équipe? Oui, comme ça, oui, oui. Et on équipe, voilà. Bien. Vous êtes calme, les gars. Ah, c'est pas comme tout à l'heure. Oui, là, parce qu'il y a un petit suspense avant de finir. Il m'écoute là. Oui. C'est moi qui joue là. Ah, bien garni. Double. Ah, pas essayé. Il n'y a pas Miao. Allez, bon. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Et le reste, il a fini. 12 points. 12 points. Voilà. Le son du domino, c'est ça. Attends. Mais quelle origine déjà le jeu à la domino? Oui, vous faites taper beaucoup. Espagnol, non? C'est espagnol. Non. Non, c'est pas, je pense. Mexique, je crois. Hein, je sais pas. Je joue du domino. Même les jouent beaucoup aussi. C'est espagnol. On va faire une recherche, là. Non. Il n'y a que trois. Apparemment, c'est chinois. Attends. Chinois. Attends. Domino, l'origine. C'est bien. Bon. Cubain. C'est cubain. Certains historiens affirment que les dominos existent en Égypte au temps de je ne sais pas quoi, comment ça se dit ça. Ils ont retrouvé des dominos dans son sarcophage. C'est quoi Garnam? Ouais, bah, ce qu'ils disent. D'autres prétendent qu'ils viendraient de Chine. C'est un curry bourgeois là. Vous connaissez? Non. Eh ben... C'est-à-dire, on a beaucoup de jeux là. Alors, parle français là, parce que là, t'as enregistré là. Ah oui? Oui, bah oui. Il était en train de le chambrer là. Voilà. C'est pour le taquiner un peu. Faut un peu d'ambiance. Attention, le jeu du moment, Camille nous a ramené un goal. Alors le goal, attention, tenez-vous prêt, écoutez bien. Grattez les 5 ballons. Si vous retrouvez 2 sommes identiques à celle de la case gain, vous remportez cette somme. Ne grattez pas le nul si découvert, s'il vous plaît. Et je vous fais passer le petit grattage. Chacun gratte un ballon avec cette petite pièce. Attention, Raphaël gratte. Vas-y, vas-y. Oh, on va pas rien du tout. Attention. Alors là, on a moyen de gagner 400 euros. 400 euros, attention, sachant que pour le goal, la somme totale, la somme maximale que nous puissions gagner est 4000 euros. Il faut... Vas-y Laurence, tu peux gratter. Alors, je gâte le deuxième ballon. Et oui, et oui, oui. Alors là, non, on a 4 euros là. Oulala. J'ai plus 400 moi. Attention, attention, attention. Nous passons le micro. Un troisième ballon va être gratté. Où tu veux. Le ballon. Tu choisis 1, 2 ou 3. 3. Allez, oui. Ça gratte. C'est parti, ça gratte. Et c'est 4 euros. C'est encore 4 euros. Nous avons donc 2 fois 4 euros. Il est possible de gagner 4 euros pour le moment. Attention, Pierre, vas-y, gratte un quatrième ballon. C'est décisif, donc, le jeu. Quatrième ballon, est 400 euros. 400 euros. Oh, les enchères montent. Oh là là. Qui dit mieux? Diras-tu mieux, Émilie? Dernier grattage, Émilie. Allez, voyons ça. Oh non, c'est perdu. Tristesse. 10 euros, t'es un peu le vilain petit canard. Allez, non, mais 2 sommes identiques, c'est 4 euros. On a gagné donc 4 euros. Non, on a gagné 4 euros ou 400 euros. Si vous avez bien écouté les règles, il nous faut gratter désormais la case gain. La case gain qui va nous dire si on gagnera 400 euros ou 4 euros. Comme je porte la guine, je vais pas prendre cette responsabilité. Anne-Sophie? Anne-Sophie vient donc dans la Caradoc gratter la case gain. Gratte-t-elle la bonne main des 400 euros. Allez Anne-Sophie, tiens-toi prête. Vas-y. Je le sens. Elle chauffe ses doigts. Est-ce que t'as une technique? Est-ce que t'as une technique pour chauffer tes doigts avant le grattage? Mais c'est toujours bien étiré, donc les 10 doigts, faire des avant, arrière, et avoir une pièce vraiment qui, ou avec lequel on se sent bien quoi. En fait, tu te sens bien avec la pièce? Ouais, je le sens vachement bien. Attention le stress. Tic tac tic tac tic tac tic tac. Je sentais bien. Je pense qu'il en faudra un deuxième. C'est donc le 10 qui est ressorti de la case gain, le 10 où nous n'avions... C'est perdu. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. On aurait pu gagner 400 euros. Ça aurait refait le toit de la Caradoc. Puisque Caradoc fuit. Caradoc fuit. La Caradoc fuit et on va s'ambiancer un petit peu en regardant la Caradoc fuir. Mais non, plutôt crever que de vendre la Caradoc. On s'est trompé. Pourquoi il y a là ce PAD ? Oh, excusez-moi. On est toujours là. Et c'est parti en douceur avec nos gouttes. Bah je crois que c'est le destin. Je crois que c'est le destin. Je crois que c'est le destin. Foncé d'après les analyses, tu veux savoir ce qui s'est passé depuis. Je te dirais que je vois plus beaucoup la famille et qu'il faudra 10 millions pour me rassasier. Rouge ou noir, je suis dans le casino. Je n'ai pas du tout besoin d'alliés. Je les entends tous parler de casier, mais ils n'ont rien du tout des millions. Qu'avait-il, je suis prêt à jurer, je suis prêt à jouer, pas prêt d'avouer, je suis dans la durée. T'as rien à dire et tu sais qu'on est doué. Aujourd'hui la dalle est remplie de disques d'or et le daron est plus que pour. Noir et le cœur, derrière la veste en cuir, comment veux-tu qu'on reste cool. Les policiers veulent nos kilos et ma chérie veut des calots. Mais je reviens d'un concert en Afrique, je suis un peu trop décalé. Décalé de 4 à 6 heures selon le pays. Et l'argent n'a pas d'odeur, mais chante, t'as pas un. Les ravisseurs demandent une rançon comme dans la série. Et quand les globes touchent les mentons, les langues se délient. Le respect c'est coûteux comme la cam. J'ai rêvé d'être fouteux comme Beckham. La chétane, la vengeance est glacée et le casque est intégral. J'suis dans le placement, t'es dans la perte. J'suis dans le classe 1 ou dans le classe. Et puis j'ai trouvé ma place au milieu des singes, au milieu des hajels. Au briquet j'ai gravé mon blaze dans l'escalier. Trop de poids sur le dos, bientôt la scoliose. Regarde-nous dans les yeux si tu veux parler affaires. Sinon ça vaut R, Paris, Rotter. Allez R, allez. Transforme la BR en chiffre d'affaires, mon frère. Tu connais le danger, tu connais aussi le prix chez D&G. Employé deviendra PDG, classe business à CDG. Le savoir est une arme et j'avais des munitions plein la tête. Et si t'es prêt à gagner, c'est que t'es prêt à perdre. C'est nos vies qu'on joue gros, donc je suis toujours au fourneau. C'est la frappe que l'on fournit et le vase tient qu'à une goutte d'eau. Le savoir est une arme et j'avais des munitions plein la tête. Et si t'es prêt à gagner, c'est que t'es prêt à perdre. C'est nos vies qu'on joue, gros. C'est nos vies qu'on joue, gros. Je suis toujours au four, je suis toujours au four. C'est la frappe que l'on fournit, oui. Et le vase tient qu'à une goutte d'eau. C'est l'heure du quiz, alors le jeu de la Caradoc pour cette première émission. Attention, Camille et Florence au micro. Oui, j'ai pas le débit de Julien Lepers, mais je vais essayer de faire quelque chose quand même. première question, on y va ? Vous êtes tous à l'écoute ? Alors, à l'origine, je suis un espace réservé à certaines espèces de gibier où les animaux peuvent trouver pâturage. Avant, on m'appelait Leporaria romaine ou Foresti franque, Siluae, royale où seul le roi a le droit de chasse. Initialement, lieu ouvert constitué de bois, de taillis et de bruyères, je me suis transformé en défense, lieu enclos par des murs ou des fossés d'eau. Par le droit du roi sous les Carolingiens, puis droit seigneurial, un seigneur s'y réserve le droit de chasse. On y retrouve des animaux qui mangent des carottes et narguent les chasseurs en leur demandant quoi de neuf docteur. Et en leur faisant en faisant voir de toutes les couleurs, inventant toutes sortes de ruses pour ne pas se faire manger. Cet animal peut porter le qualificatif lié au territoire que je désigne. Je suis le lapin de Garenne. C'était la fin de la. Mais c'est la Garenne. C'est la Garenne. C'est ça. Ce n'était pas sans difficulté d'articuler tous ces mots, mais je passe le relais à Camille pour d'autres questions de ce jeu super champion. Ok, alors, est-ce qu'on est prêt pour la suite ? Alors, la deuxième, le deuxième, qui suis-je ? Je suis vert et grand et je change souvent d'identité. Perdu dans les méandres de la Charente, j'avais de la poudre à moudre et la force motrice de l'eau m'aidait dans mes tâches belliqueuses. L'eau est mon roi et je fus d'ailleurs son logis pendant 13 ans dans les années 1970. C'est Monsieur Prof qui s'est installé pour me nettoyer. Maintenant, petits et grands viennent gambader dans ce lieu explosif. Au total, plus de 100 licenciés sont au... c'est un club. Au stade. Quoi au stade. Au stade, alors. Au stade de Trojane. Et bon, c'est quoi la réponse? Bah, c'était le stade de foot. Ah, et elle a été donnée, la réponse. Non tu l'as donnée? Ah bon, mais j'ai pas suivi. Bon, ben. Stade de foot. Et bah, super. Encore une question? Encore une question? Attends. Oui, c'est vrai que... Est-ce qu'on entend? Oui. Ah, on t'entend mieux, Camille. Ah, super. Alors, deuxième question. Je me balade dans le quartier et change souvent de place. Je suis peuplée de vie et de voix et les morues nagent dans les marmites chez moi. Derrière la boutique, le feu crépite et les poulets y perdent les plumes. Les trophées font face au ballon de foot, on joue au bridge, on fait les papiers et on regarde la télé. Tout le monde est bienvenu pour venir raisonner en portugais. Je suis le... Chez Maria. Oui, bah, bravo Laurence. Le bar. Petite page de publicité chez Maria, on c'est peut ça. Boire un café, on peut manger. Il marche pas ton micro, je crois. Bravo. Merci. Est-ce que des gens autour de cette dans cette caravane vont parfois chez Maria? Je sais plus, mais ça m'arrivait, oui. Ok, ouais, et ouais. Qu'est-ce que tu allais y faire? Boire un café. Boire un café? Non. Manger, moi j'y suis allée déjeuner à midi avec les collègues. Donc voilà, il y a une très très bonne cuisinière en cuisine. Donc on mange notamment la morue. Il y a un jour on peut manger la morue, donc c'est délicieux. Exactement. Hier je l'ai vu préparer la morue, c'était hier. Oui, Salette préparait la morue. Big up pour Saliette. Saliette. Et on pourra l'écouter samedi dans un son. Voilà, on aura l'interview de Saliette. Autre question, Camille? On peut faire un dernier qui suis-je. Alors, à mes quatre coins, je change et j'évolue, je suis habité et habitant. Ici, il y avait une cave à vin, une mercerie, un supermarché. Le passage à l'an 2000 m'a amené sa modernité et tous les charmes qui vont avec. Sous mes pieds, les voitures passent sans arrêt. Le vendredi soir, c'est soirée loto. Je suis un lieu. Le mutant. Oui, le mutant. C'est ça, c'était le carrefour où il y avait le mutant avant. Qu'est-ce que c'est le mutant? Un ancien... Comment ça s'appelle? Un ancien supermarché. Là. D'accord, et ça fait combien de temps qu'il a disparu? Oh. Ça doit bien faire 15 ans, ouais. 15 ans? Ouais. D'accord. Donc il y avait un supermarché à la Grande Garenne. Supermarché, mercerie, il y avait une cave à vin. D'accord. Et c'est là où maintenant il y a le kebab le Pacha. Le loto et la boulangerie. Ouais, et il y a le club de... Enfin, il y a des gens qui jouent au loto, ouais. Et la boulangerie. Super. Et une pharmacie, alors qu'avant c'était une petite cabane perdue derrière, et petit à petit c'est devenu un local un peu plus installé. On a fini les qui suis-je, mais on a encore une petite partie de questions à poser, notamment puisqu'il y a Laurence, mais tout le monde peut participer. Et alors, du coup, on a profité du début de la semaine pour faire des sondages sur les goûts des personnes dans la MJC. Ah. Et du coup, il faut que tu essayes de deviner où était la majorité. Alors, à ton avis, à la MJC, les gens sont plutôt question pour un champion ou l'amour est dans le pré? Question pour un champion. Tout à fait, à 100%, tout le monde était pour question pour un champion. Est-ce que les gens sont plutôt foot ou basket? Foot. Foot à 70%. Est-ce que les gens sont Marseille ou Paris? Marseille. Paris. Marseille. Paris. À 70% aussi. PSG, Kéké. Kéké, PSG. Est-ce que les gens sont plutôt Snoopy ou Snoop Dogg? Snoopy. Snoop Dogg. À 70%, c'est Snoop Dogg qui l'emporte. Non, c'est pas mal. Je pense que 50% de bonnes réponses. Allez, je me ressaisis. Il en reste 3. Alors, est-ce que les gens sont plutôt photo sans filtre ou cigarette sans filtre? Photo sans filtre. 100% photo sans filtre. Mm. Est-ce que les gens sont plutôt BD ou Bédo? Ah, je pense que là, ça doit faire 50-50. C'est 50-50. Dans les réponses que j'ai récoltées. Hein. On va pas dans la merde. Parfait, Laurence. Et enfin, est-ce que les gens sont plutôt Skyrock ou Caradoc? Ah, Caradoc, c'est la vraie, c'est la locale, elle est là. Caradoc à 80%. Mais grave, trop cher. C'est quoi la réponse? Caradoc à 80%. Caradoc. On a un fief de famille. Ouais. Ouais. Madame, votre micro, il marche? Bah vas-y, venez parler. Une fois sur deux. Il n'y a pas un petit freestyle là qui se prépare? Allez, freestyle un peu là. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose au micro? Allez, fille! Est-ce que. Non? On fait une émission sur le jeu. C'est... Dalila, vas-y. T'as quelque chose à dire? C'est quoi ton jeu préféré? Au micro. Le double. Tu joues avec tes copines? Oui. Le double, en fait, c'est un jeu de cartes et on a des formes dessus. Et si tu vois la même forme qu'il y a sur ta carte, tu dis exactement le même nom que sur la feuille. Après, dès qu'il n'y a plus de cartes ou d'où que tu as tout pris, tu as gagné. Il y a plein de règles différentes, non? Oui, il y a deux façons de jouer. Il y a on peut le prendre et on peut le poser. Donc il y a deux façons qu'on peut faire. Merci. De rien. On négocie. Ah, on est en train de négocier un rap à l'extérieur de la caravane. Ça a pas l'air de. Ah. Une chanson d'une minute? Ah. Allez, on se motive. Il y a la fenêtre de la Caradoc. Comment tu t'appelles? Laisse-moi. Wesh, la mia! Tu manges de la main! Tu peux de la gueule, matin et du soir! Merci, au revoir! Et hier, vous avez vraiment super bien chanté la Reine des Neiges aussi. Voilà. Merci! Et toi, Nausicaa, tu jouais à quoi quand t'étais petite? Je faisais beaucoup de puzzles. C'est vrai? J'étais petite, ouais. Et puis je... Alors tout le monde se moque de moi. Non, c'est Anne-Sophie qui se moque de Laurence, toi. Laurence, on se comprend? Ah oui, mais moi j'en fais encore. Hein. Oui, bah moi aussi. En famille même. C'est vrai, vous êtes plusieurs sur un même. Les gens ne pas se moquer de nous. Voilà, non, on a très mal pris vos rires, voilà, c'est bon. Ah, décalage. Oui, bah oui, bien sûr. Ça chante très bien. Je vous jure que Laurence, elle chante très bien. Laurence, elle chante bien? Mais je sais pas si. Tout là, il pleut assez comme ça, c'est pas la peine de rajouter. Madame, vous mettez du Joule, vous êtes parti dans l'ambiance de Non. On va finir avec du Joule dans la caravane. Ça, je pense qu'il va pas falloir partir avant de mettre du Joule. Hein. Si, mettez du Joule, vous allez voir comment on va s'ambiancer. Oh. Danser, mais pas chanter. Ah, vous avez vu, vous faites même une danse. Vous mettez la machine. Et vous jouez à quoi chez vous? Waouh, bonne question. À quoi j'ajoute? Toi, je sais que t'aimes beaucoup les jeux de société. Oui, mais Marie, on a joué il y a pas longtemps au Yahtzee ensemble. D'ailleurs, tu m'as défoncé. Autrement dit, Yams. Ah oui, j'ai fait un Caradoc. Ah ouais, ah putain, le Caradoc d'un coup, quoi. J'étais dégoûtée. Après, j'ai lâché. Et puis, forcément, la chance m'a lâché avec, quoi. Alors, c'est quoi déjà la combinaison Caradoc, alors, ouais. La combinaison Caradoc, c'est 6, 4, 2, 1, 1. Voilà. Yahtzee, très bien. Et sinon, moi, quand j'étais petite, quoi je jouais? Je jouais, je sais plus. À la bataille? Non, je jouais pas à la bataille. Je jouais beaucoup aux jeux de Lego pirates. C'était un truc que j'adorais, les jeux de Lego pirates. Voilà. Et le Uno, vous connaissez? Ouais, Uno, bah à fond, ouais. Voilà. Jouer pendant des heures au Uno, c'est interminable ce jeu. La bonne paye, vous connaissez? La bonne paix, j'aime pas trop. Ouais. C'est un peu capitaliste. Mais... Ah bah, c'était, ouais, on jouait à des jeux capitalistes. On jouait au Monopoly. Le Monopoly. On jouait au... J'ai toujours été la pauvre Monopoly qui avait des dettes jusqu'au cou. Et... Nous, la bonne paix, il n'y avait pas assez d'argent, donc on créait des billets supplémentaires en papier. Bravo l'inflation. Bravo pour l'inflation, c'est super. Faux monnayeur. C'est ça. Et au final, Florence, du coup, t'as joué avec pas mal de gens pendant notre séjour là, oui. À la MJC. T'as appris combien de jeux ? Ben, j'ai appris le 8 américain. En fait, j'ai beaucoup joué au 8 américain. Après, j'ai appris un tour de magie avec des nombres et un tour de magie aussi, un autre tour de magie. Et avec, je pourrais pas le raconter comme ça à la radio, ça serait difficile. D'accord. Mais voilà. Et le domino, ben, je sais jouer au domino, mais j'ai jamais vu jouer en équipe de deux comme ça. Et en fait, il y a des stratégies différentes qui se font en fonction de, bah, du jeu que l'autre peut avoir et de l'appel au jeu aussi. Bah, tout à l'heure, il parlait en arabe, mais en fait, il y avait des appels au jeu, un peu comme quand on joue à la belote, où on donne des petits indices quand on joue les uns avec les autres et qu'on triche, qu'on essaye de faire des appels, quoi. Et c'était marrant et j'ai jamais joué au domino comme ça. Et il y a des personnes qui jouent souvent dans le hall, aux cartes, des jeunes. Est-ce qu'ils jouent aux 8 américains ou à quoi est-ce qu'ils jouent ? Vous ne savez pas ? Il y a des jeux de dés, il y a des jeux de cartes. Il y a du rami. Au rami, au yams. Ouais. Jeux de billes, tout à l'heure, il y a un jeune qui nous a dit qu'il joue aux billes. Et c'est vrai, il lance les billes contre le mur, enfin sur le sol. Il lance les billes sur le sol. Après, je ne connais pas trop la règle du jeu, je ne sais pas qui gagne, mais on entend surtout les billes taper dans les plaintes. Mais oui, y a des demandes de... Là, il y a un plateau avec les dés, des jeux de cartes. Bon, on en consomme beaucoup, hein, parce que après les jeux s'en vont. Mais oui, il y a une demande de jeu dans le hall de l'AMJ. Et puis, c'est les rencontres que vous avez faites, là, donc devant le centre commercial, et même les papas qui jouent plus du côté de la Villa Mondésir l'été, c'est vrai qu'ils aimeraient avoir une salle pour pouvoir jouer le soir ou quand il fait froid. Ouais. Donc, oui. Et ce documentaire-là, avec les dominos qui tapent, c'est ce que j'expliquais avant. C'est vraiment ce son-là qu'on a entendu tout à l'heure grâce à ta captation de son, et oui, c'est... Non, ça fait... Enfin, c'est super de les voir se retrouver ici. Ils sont énormément, il n'y en a que 4 qui jouent, mais ils sont tous là à se retrouver après, enfin, le soir, à parler arabe. Ils me disaient que c'était un... qui se retrouvait entre gens de... Bah, je sais plus d'où... Je sais pas d'où ils viennent, peut-être du Maroc, mais je suis pas sûre, parce qu'ils me l'ont pas vraiment dit, et voilà, je connais pas l'arabe de là-bas. Mais c'était sympa de les voir se retrouver là. Après, c'est vrai qu'ils me disaient qu'ils avaient du mal à trouver un local. Si je peux partager une frustration de jeu que j'ai dans ma vie, j'ai essayé, mais peut-être 15 fois, d'apprendre le backgammon. Je sais pas si vous savez jouer à ça, et j'ai jamais réussi. Genre vraiment, je connais pas. Mais ça m'a jamais tenté, en fait, le backgammon. Ben, à un moment donné, je côtoyais pas mal des personnes turques qui jouaient tout le temps, et j'ai jamais compris. Ça s'appelle tavla aussi en Turquie, et voilà, donc c'est une frustration de jeu. Voilà, je voulais partager au micro avec vous. Et toi, à quoi tu joues ? Au sexe. C'est chaud dans la cabane. Mais protégé ? Non. Il faudrait. À balles réelles. C'est en direct là. Oh là, c'est à la radio. Enchanté, je m'appelle Jason. Bonjour Jason. Jason. Jason. Bon, bah, je pense qu'on va clôturer cette première émission, à part si vous avez d'autres expériences à nous partager sur le jeu. Pierre, je te vois sourire. Bon, on va la clôturer, cette émission, donc. Mais oui, on n'a pas le choix, à part si tu veux nous parler de jeu, mais là, je crois qu'il va falloir qu'on rende l'antenne, dans tous les cas. Non, on n'a plus confiance, maintenant. Mais demain, on est encore là, Anne-Sophie. Qu'est-ce qu'on va faire demain ? Alors, demain, c'est... On s'écrit ? On s'écrit. À la Grande Garenne. Venez tous demain, on va faire du sexe. Non, on va pas faire du sexe, là c'est un peu moyen ton délire, mais en tout cas on va s'écrire, et ça va être chouette. Et voilà, donc c'était le premier tour de chauffe de la CAR Ad Hoc, c'était la première antenne de Radio Ad Hoc. On est ravis de l'avoir faite, malgré les quelques couacs et la caravane qui fuit. Hein, on a quand même un peu les boules, je sais pas ce que t'en penses. On a les boules, ouais. Mais demain, ce sera magnifique. On a installé tout un système de bâches, de tivoli. On est là pour vous accueillir. On est là pour faire de la radio. N'hésitez pas à nous rejoindre à la Grande Garenne, même si on capte pas le 101.1 ici, finalement. Mais n'hésitez pas. Sur Internet. Captez-nous sur Internet. Voilà. Et malgré le fait qu'il y ait plein de flotte ici, dans la caravane, plutôt crevé. Mais non, plutôt crever que de vendre la caravane. J'ai sur tes max, le rétro gauche nique ma Rolex. J'suis tellement une moula qu'elle veut que je la casse. 5 pistes que je nique le game, putain le temps passe. J'ai même pas des saoulés. Eux enfoirés, les méchants, tu me reconnais. Allez, te bois les showcases, les tempêtes de la monnaie. Donnez-moi de la moula, une bouteille de collal, j'ai même pas décollé. Qui t'a compressé, c'est pour mieux décompresser. Demande au V, c'est pas durable de caissier. Les aristocrates sont là que pour encaisser. Caissier, je sens que je vais tout casser. Totorina, juste avant son décès, guitarisé comme un mec d'ACDC. Donnez-moi de la moulaga. Moulaga.